بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام في كتاب الصلاة. Nous continuons donc le livre de la prière, le cours numéro 18, le chapitre concernant l'adhan. رأينا بالأمس الخلاف المتعلق بحكم الأذان. Nous avons vu hier la divergence liée au jugement du Adhan. وَرَأَيْنَا أَدِلَّةَ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ. Nous avons vu les preuves de ceux qui voient qu'il est obligatoire de faire le Adhan. وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالسُنِّيَّةِ. En ce qui concerne ceux qui voient que le Adhan est une sunnah, فَأَدِلَّتُهُمْ حَدِيثْ الْمُسِيْءِ صَلَاتَهُ. Le hadith de celui qui faisait mal, qui accomplissait mal sa prière. Et à chaque fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Kum fa salli fa innaka lam tusalli. » Lève-toi et prie car tu n'as pas prié. Lève-toi et prie car tu n'as pas prié. Lève-toi et prie car tu n'as pas prié. Elle est où la preuve dans ce hadith? Que l'adhan c'est une sunnah. Qalu li anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lam ya'murhu bil adhan wa la al-iqama. Ils disent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas ordonné de faire ni l'adhan ni l'iqama. Et que si cela était obligatoire, le prophète il lui aurait ordonné. Il lui aurait dit, fais l'adhan et après tu pries. Fais l'iqama et après tu pries. Wal jawabu an hadha annahu ja'a fi jami' al-Tirmidhi fi riwayatin anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala lahu توضأ كما أمرك الله ثم تشهد ثم قم ثم أقم ثم تشهد ثم أقم أيضا. Et donc il a été rapporté dans le Jami' al-Tirmidhi une autre narration de ce hadith, le hadith de celui qui faisait mal la prière, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, fais tes ablutions comme Allah te l'a ordonné. توضأ كما أمرك الله. Puis fais le tashahhud. Ashhadu an la ilaha illallah. C'est-à-dire ce qui est voulu par là. Puis tu tashhad. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. À la fin des ablutions. Thumma aqim aidan. Puis tu fais aussi l'iqama. Fa hadha yadullu. Qalat al-ulama hadha yadullu. Ala anna al-munfarid. Fi haqqihi al-iqama. Dun al-adhan. Les savants, ils ont dit que le munfarid, celui qui fait la prière tout seul, la prière obligatoire, lui, il doit faire l'ikama et pas l'adhan. لِأَنَّ الْأَذَنَ قَامَ بِهِ الْمُؤَذِّنَ فَكَفَى. Pourquoi? Parce que le adhan, le muadhin, il l'a déjà fait. Et que tout le monde a entendu, ils ont entendu donc l'appel à la prière, ça suffit, le adhan, il l'a déjà fait, il a déjà été fait. Donc maintenant, toi, tu vas prier, tu fais l'ikama. Tu fais l'ikama, tu es arrivé après que la jama est finie, tout le monde a déjà prié, ils ont déjà fait l'ikama, tu arrives, tu fais l'ikama et tu pries. Qalu hadha fi haqq al-munfarid. Wa qala al-'allamatu Ibn Baz rahimahullah ta'ala fi ma yata'allaq bil-munfarid. Le grand savant Ibn Baz, il dit concernant celui qui prie tout seul, as-sunnah أن تؤذن وتقيم. La sunna, c'est que tu fasses le adhan et que tu fasses l'iqama. Tout seul chez lui ou dans son champ. Il dit la sunna, c'est que tu fasses le adhan et l'iqama. أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم. En ce qui concerne le caractère obligatoire, alors il y a en cela une divergence entre les gens de science. ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة. Cependant, ce qui est préférable pour toi et ce qui est plus sûr est que tu fasses le adhan et l'ikama, et ce en te basant sur les preuves générales qui montrent qu'il faut faire le adhan et l'ikama. ولكن يلزمك أن تصلي في جماعة ما أمكنك ذلك. Cependant, il t'est impératif que tu pries, que tu accomplis la prière en groupe, tant que tu as la capacité de faire cela. فَإِذَا وَجَدْتَ جَمَاعَةً أَوْ سَمِعْتَ النِّدَاءَ في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تحضر مع الجماعة. Et donc le cheikh il nous dit, et si tu trouves une mosquée, si tu trouves une mosquée, des gens qui prient en groupe, donc où tu entends l'adhan, cette parole elle est bien, elle est précise. Pourquoi? Parce que ici, tu vas être soit dans le cas où tu as entendu l'adhan, soit où il y a une mosquée qui est pas loin. Mais tu n'as pas entendu l'adhan. Tu es à côté de la mosquée, mais tu n'entends pas l'adhan. Tu vas dire, j'ai pas entendu l'adhan, j'y vais pas. Le cheikh, il te dit non. Si tu trouves une jama'a, un, ou que tu entends l'adhan, deux, à ce moment-là, il t'est impératif d'aller prier avec la jama'a. À ce moment-là, il t'est impératif d'aller prier avec la jama'a. فَإِنْ لَمْ تَسْمَعِنْ نِدَى وَلَمْ يَكُنْ بِقَرْبِكَ مَسْجِدْ فَالسُنَّةَ أَنْ تُؤَذِّنْ أَنْتَ وَتُقِيمْ. Si tu n'entends pas l'adhan et qu'il n'y a pas de mosquée à côté de toi, tu n'entends pas l'adhan et il n'y a pas de mosquée à côté de toi, deuxième point important, à ce moment-là, tu fais l'adhan toi et tu fais l'iqama. وقد ثبت عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل. Et cela a été rapporté de façon authentique de Abi Sa'id al-Khudri رضي الله عنه, qu'il a dit à un homme: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. Abu Sa'id al-Khudri, il a dit à un homme: lorsque tu es au milieu de tes bêtes, ou alors fibadiatique, ce qui est voulu par là, les savants ils nous disent ton champ, que tu es éloigné des gens, t'es éloigné. Abu Sa'id al-Khudri lui dit, lorsque tu es là-bas, il n'y a pas de mosquée, il n'y a personne autour de toi, fais l'adhan, élève la voix quand tu fais l'adhan. Élève la voix quand tu fais l'adhan. Ici, parfois, tu vas marcher, tu es là, tu es dans un champ. Je me rappelle une fois, on était avec des frères dans un champ, il n'y avait personne, on a dit, bon les frères, on fait l'adhan. Un frère, Allahu Akbar, on dit, mais Akhi, mais élève ta voix. Ouais, non mais les gens, on est en France, subhanallah, on est dans un champ, khoya. À tel point, la peur elle est arrivée, à tel point qu'on est dans un champ, on a peur d'élever la voix. Alors, ça devient un gros problème. On se fait tellement agresser comme ça qu'aujourd'hui t'es dans un champ, il n'y a personne autour. Ah non, peut-être qu'ils vont nous entendre ou je sais pas. Et donc, il lui dit, élève ta voix, bin nidah, en faisant l'appel à la prière. Car certes, j'ai entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dire, il n'y a rien, que ce soit un arbre, que ce soit des arbres, ou des pierres, ou autre chose, qui entende le mu'adhin, lorsqu'il élève sa voix pour l'appel à la prière, sans qu'il ne témoigne en sa faveur, yawm al-qiyamah. C'est fait l'adhan. Toute chose, pierre, arbre, toute chose qui entend témoigne cela, yawm al-qiyama. Subhanallah. T'es chez toi, t'es loin de la mosquée. Il fait l'adhan. Ne laisse pas cette récompense passer. Yawm al-qiyama, cette pierre, cette fenêtre, toute chose va attester pour toi. Ne laisse pas cette occasion passer. Combien de hasanat on laisse passer comme ça? Combien? Thumma min al-masa'il allati yanbaghi ma'rifatuha ma huwa al-afdal? Al-adhan aw al-imama? Parmi les sujets qu'il est important de connaître, c'est quoi le mieux? De faire le adhan ou de faire l'imam? الله أعلم شيخ عثيمين له قول يقول الأذان. الأذان. Alors, on va voir ça tout de suite. On va voir si tu as bien choisi. طيب, قول الشافعي وأحمد الأذان أفضل من الإمامة. L'avis de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmed, c'est que l'Adhan est afdol. Et le Adhan est mieux que le fait d'être imam. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui a la meilleure parole que celui qui appelle à Allah? Celui qui appelle à Allah et qui accomplit de bonnes actions et qui dit je fais partie des musulmans. قالوا جعل علماء التفسير هذه الآية في المؤذنين. Les savants du tafsir, ils ont dit que ce verset-là, il concerne les muadhinin, ceux qui font l'adhan. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة إلى أن الإمام أفضل. L'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils disent que il est mieux d'être imam. Pourquoi? لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يتعلق بالأذان فليؤذن لكم أحدكم وفيما يتعلق بالصلاة فليؤمكم أكبركم. Et donc ils disent, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit concernant l'أذان, il dit alors que l'un d'entre vous fasse le أذان. Et concernant la prière, il a dit que le plus grand d'entre vous dirige la prière. Elle est où la preuve ici? Le plus grand d'entre vous. قالوا فيما يتعلق بالأذان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعين ولم يأتي بوصف. En ce qui concerne le أذان, le prophète il n'a pas spécifié, il n'a pas cité de caractéristiques précises. يؤذن أي أحد, n'importe qui fait l'أذان. Il n'a pas précisé. قالوا أما الصلاة, en ce qui concerne la prière, il a dit el akbar. Et donc à ce moment-là, ils disent cela, ça montre que le mieux c'est la prière, celui qui dirige la prière. Ensuite, qalu wa amalul khulafa ar-rashidin. Ils disent les œuvres des califes bien guidés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Accrochez-vous à ma sunna ainsi que celle des califes bien guidés. Qalu al-khulafa ar-rashidun al-a'imma ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali kanu يأمون الصلاة ولا يؤذنون. Et donc ces quatre que j'ai cités, ils dirigeaient la prière et ne faisaient pas l'adhan. Ils ont dit fa hal yatrukuna kulluhum hal yatrukuna al-afdal. Ils disent est-ce que tous ceux-là vont délaisser ce qui est mieux? Est-ce qu'ils vont délaisser ce qui est mieux, les quatre? Alors Ali, non. Alors maintenant, c'est quoi le mieux? Dis-moi, alors maintenant tu as entendu les arguments, c'est quoi le mieux? Alors, Alem? Taïf. Wa yujabu an hadha al-jawab. Et on répond à cet argument. Al-khulafa ur-rashidun. كانوا مشغولين بوظيفتهم العظيمة. Les califes bien guidés, ils étaient occupés par leur fonction, par leur lourde fonction. يصعب عليهم أن يأتوا قبل الصلاة وينظروا هل دخل الوقت أو لم يدخل أو. Il est difficile pour eux de venir avant la salade, de regarder est-ce que le temps de la prière est arrivé, est-ce qu'il n'est pas arrivé, lorsqu'il est arrivé on fait l'adhan, etc. Attendre un peu encore, ensuite une fois que tu as attendu un peu, tu fais l'ikama. Tandis que celui qui est gouverneur, qui est occupé par les occupations du gouverneur, il vient au moment de l'ikama, il fait l'ikama et après il repart. Et donc ils étaient occupés par leur fonction. Voilà pourquoi جاء وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال لو كنت أطيق الأذان مع الخليفي لأذنت. Il a été rapporté de Omar avec une chaîne de transmission authentique qu'il a dit si j'avais la capacité, yarhamukallah, si j'avais la capacité de faire le Eden en plus de mon rôle de calife, de gouverneur, j'aurais fait le Eden. J'aurais fait le Eden. Et donc, elle afdol ya ayyuha al ikhwa al Eden. Anta tad'u al jami' ila al salat. Hatta al imam anta tad'uhu ila al salat. T'appelles tout le monde à faire la prière. Même l'imam, tu l'appelles à faire la prière. Et donc, la yanbari lana ayyuha al ikhwa an natruka hadhihi al fursa. Il n'est pas convenable, mes frères, qu'on laisse cette occasion, ces récompenses qu'on peut avoir, on les laisse passer comme cela. Pour ceux qui sont loin de la mosquée, qui peuvent faire le Eden chez eux, ne laisse pas passer cette occasion. Fais le Eden. Alhamdulillah. Fais-le. Allez, on continue. Et pour finir, on ne va pas faire trop long, Inch'Allah. El hadithu daliloun ala anna al-adhan yushfa' illa kalimatu tawhid fahiya wahdaha. Et donc ce hadith, le hadith qu'on a vu, donc Umir Bilal, Bilal il lui a été ordonné an yashfa' al-adhan, il lui a été ordonné de rendre le adhan père et l'ikama impair. Et donc ce hadith est une preuve que le Eden, lorsqu'on le fait de façon à être père. C'est-à-dire qu'on va répéter toute chose deux fois. Sauf Kalimatu Tawhid, La ilaha illallah, à la fin du Eden, qu'on va citer une fois. On va citer une fois. Bil Ijma. Les savants les ont divergés concernant et Takbir. Tarbir et Takbir. Le fait de prononcer quatre fois le Takbir. Quand vous écoutez le Eden à chaque fois. Il récite comment Ali ? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite une deuxième fois, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça fait combien de fois le takbir ? Ça fait quatre. D'accord ? Et donc ils ont divergé. Est-ce que le takbir, on le fait quatre fois ou deux fois ? Qawlul Jumhur, anna takbir yurabba'. L'avis de Jumhur, c'est que le takbir, on le fait quatre fois. On le fait quatre fois. Pourquoi ? Li kathratil adilla lat ja'at fi wasf al adhan kadhalik. À cause du grand nombre de preuves qui ont été citées avec la description du Eden comme cela. La majorité des hadiths qui ont cité donc la description du Eden ont été comme cela, c'est-à-dire le takbir quatre fois. Mais il a été rapporté dans certaines narrations le Eden deux fois. Ja'a fi ba'd ar-riwayat al-takbir marratayn. Le fait de dire deux fois Allahu Akbar. Falidhalika dhahaba al-Imam Malik ila anna al-afdal at-tathniya. Et donc c'est pour ça qu'il est l'imam Malik, il voit que ce qui est mieux, c'est de dire, de prononcer le Allahu Akbar deux fois. Ils font comment au Maroc ? Deux fois. Hein. En Algérie. T'as pas fait attention. Hein. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ils disent comment ? Deux fois. Hein. Ils disent pas quatre fois. Ça dépend. Les deux. Et donc les ulémas, ils ont divergé par rapport à ça. Et il y a en réalité beaucoup plus de narrations qui montrent que c'est quatre fois. Cependant, certains ulémas, ils voient que tant que ça a été rapporté de façon authentique, et ça aussi, ça a été rapporté de façon authentique, « Je ehada bitarikin fe bit sahih, wa kezalika hada bitarikin sahih, fe la ba's. » Il voit qu'il n'y a pas de mal à ce que tu œuvres en faisant le Eden de cette façon ou de l'autre façon. Parfois tu vas faire quatre fois, parfois tu vas faire deux fois. Ils disent, c'est une divergence de genre, c'est-à-dire qu'on peut varier à chaque fois. Inch'Allah ta'ala. On va arrêter là, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Subhanakallahu ma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.